Donc maintenant parlons du réalisateur Peter Jackson. Donc ce dernier est né le 31 octobre 1961 en Nouvelle-Zélande. À l'âge de 8 ans, il commence à se servir d'une caméra Super 8 pour réaliser des petits films. À l'âge de 13 ans, il tourne la scène culte du film d'un film qu'il adore, qui est King Kong. Donc il fait cela avec une figurine de Kong et une maquette de l'Empire State Building et puis d'autres petites figurines. En 1987, il sortira son premier long métrage qui se nomme Bad Taste, donc un film d'horreur comique gore qui deviendra très culte et surtout c'est le film sur lequel il rencontrera sa future femme Fran Walsh. En 1992, il sort Brain Dead, un film gore d'humour qui est son premier long métrage réalisé avec des acteurs professionnels, qu'il remporte le grand prix du festival Avoriaz, et malheureusement les spectateurs le classifient comme un réalisateur très peu sérieux parce qu'il ne fait que des films horreur comique à ce moment-là. L'année suivante, il s'associe avec Richard Taylor, le fondateur de Weta Workshop, pour fonder Weta Digital. Avec le temps, il va créer des films beaucoup plus sérieux que tout le monde adore et en fait un très grand réalisateur, tellement bon que les Américains le veulent pour tourner certains films. Il en fera un qui n'aura pas beaucoup de succès et se tournera ensuite vers le fameux Seigneur des Anneaux, puisque à l'époque on ne veut pas encore lui donner les droits du Hobbit, qui est un de ses rêves de réaliser le Hobbit. C'est alors avec le Seigneur des Anneaux sa consécration, puisqu'il reçoit 17 Oscars sur 29 nominations, donc il en a raté que 12 sur 29, dont l'Oscar du meilleur réalisateur en 2004 pour Le Retour du Roi, qui, ce film, possède le record d'Oscar pour un seul film, soit 11, avec le Titanic et Ben-Hur de 1959. Après cela, il réalise son rêve de tourner le fameux film King Kong qui gagnera 3 Oscars pour un remake. Et en 2009, il est fait chevalier de l'Ordre du Mérite en Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Après 2009, bien sûr, il a fait beaucoup d'autres choses comme Le Hobbit, Les Tintins où il est associé à Spielberg et tout ça, mais bon, on va pas trop rentrer dans ces détails-là. Je vais ensuite vous faire une petite filmographie. Donc d'abord avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est une, pour moi, ma saga préférée. Voilà, tout est génial, les personnages sont assez réalistes. Je parle surtout des orques, parce que ce sont des créatures quand même, entre guillemets, surnaturelles. Mais tout est assez réaliste. Voilà, il a usé de plein de petits stratagèmes pour faire les différences de taille, machin, et que nous, on s'en rende pas compte. Enfin, il y a eu un travail de monstre et l'univers est génial et il a même été considéré comme un grand réalisateur du fait que le livre était considéré comme un livre impossible à réaliser. Ensuite on a King Kong, dont personnellement j'ai vu il y a très très longtemps, donc j'ai pas trop de souvenirs, donc voilà, je peux pas trop commenter ce film, mais apparemment il a très bien marché. Apparemment, dans Hot Fuzz, il aurait joué un Père Noël qui tente de poignarder Nicolas Angel, qui est joué par Simon Pegg. Voilà. Donc, le personnage principal de Hot Fuzz, Simon Pegg, et apparemment, il fait un petit caméo là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Peter Jackson fait des caméos dans tous ses films, donc Seigneur des Anneaux, Hobbit et tous les autres. Mais dans Hot Fuzz, il joue également un caméo, même si c'est pas son film. Ensuite, il a fait la trilogie du Hobbit, que je trouve qui est également une très belle trilogie, comme Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est un peu la genèse, voilà ce qui se passe avant. Mais ce qui me dérange, c'est le côté de Weta Digital, c'est qu'en fait on voit les effets spéciaux. Enfin, je trouve que ça se voit à certains moments, et moi ça me dérange un petit peu. Et ensuite on trouve Mortal Engine, où il est producteur et scénariste. Donc Mortal Engine qui est sorti en décembre dernier, et qui est un film magnifique, qui se passe à la fin du monde, avec des villes qui se déplacent et tout ça, avec l'actrice principale Hera Ilmar, qui est pas connue du tout parce qu'elle est islandaise, et puis en méchant Hugo Weaving, qui est juste, voilà, en plus un ancien acteur du Seigneur des Anneaux, mais qui est un très très bon acteur. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, faut le regarder, c'est génial. Et en plus il y aura peut-être une suite, parce que c'est 3 ou 4 bouquins.